Donc, déjà, bienvenue à tout le monde à notre retraite. La paix en moi, la paix tout autour. On va passer 2 jours de pratique de la paix. On va pas parler trop de la paix, peut-être on en parlera un peu, mais on va surtout pratiquer et générer ensemble cette énergie. Et pour commencer notre matinée, on propose de goûter un petit moment de méditation assise. Donc peut-être j'aimerais demander qui est-ce qui parmi vous n'a jamais fait de méditation assise. Vous pouvez lever la main. Très bien, merci. Donc, comme on est tous toujours au point de départ et toujours débutants dans la méditation assise, on va aussi prendre quelques minutes pour réviser un petit peu ce qui est important pour passer un moment de méditation assise agréable et joyeux. Donc la première chose qui est importante, c'est la posture, bien sûr. Donc, si vous êtes assis au sol, j'espère que chacun et chacune a un coussin qui convient. Des fois, le coussin est trop bas ou trop haut, donc il faut faire attention à ce que le coussin soit vraiment celui qui convient à votre corps. Ce qui aide aussi, c'est d'être assis sur la partie avant du coussin et pas sur l'ensemble de la surface du coussin. Donc on a les fesses posées un peu plus devant. Et naturellement, on va avoir 3 points d'appui. Donc les genoux constituent 2 points d'appui sur le tapis, normalement. Si vous n'avez pas les genoux qui touchent le tapis dans la position avec les jambes croisées, peut-être que vous pouvez vous mettre à genoux, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, là, vous allez vous mettre comme ça. Un genou de chaque côté. D'accord. Pour ce matin, je vais me mettre les jambes croisées. Et donc, si vous êtes habitué à ça et que c'est agréable, que c'est pas douloureux, vous pouvez être dans la position du demi-lotus, c'est-à-dire qu'il y a mon pied qui vient comme ça sur l'autre cuisse en face. D'accord. Et mon genou toujours posé sur le tapis. Si vous êtes très souple, ce que je ne suis pas du tout, vous pouvez faire la même chose avec le deuxième pied, le mettre sur l'autre jambe. C'est la position du lotus entier. Et aussi, on peut juste avoir les deux jambes l'une devant l'autre. Donc le pied n'est pas sur la cuisse, mais juste posé par terre. On dirait que tout le monde a déjà la position parfaite. Il n'y a personne qui bouge. Donc, après, donc pour les jambes, ça c'est déjà important parce que pendant la méditation assise, on reste à peu près immobile. Et la circulation est moins importante dans les jambes. Donc si vous avez un peu mal, faites attention à avoir une bonne position des jambes. Et aussi, on a la possibilité ici, on n'est pas strict. Si vous avez besoin de bouger, vous pouvez le faire très lentement et tranquillement, de façon à ne pas donner un coup à la personne à côté ou faire du bruit qui dérange la personne qui médite à côté. Ensuite, par rapport au bassin, ce qui peut aider, c'est d'essayer un petit peu de basculer lentement en avant et en arrière pour voir quelle est aussi la bonne position du bassin, de façon à ce que le sacrum ne soit pas écrasé, que la colonne vertébrale entière puisse être élancée et souple et droite. Donc, il y a légèrement plutôt tendance à être le bassin un petit peu vers l'avant, plutôt que comme ça, plutôt que vers l'arrière. Et puis notre colonne vertébrale, donc elle est bien, bien droite. On n'est pas penché à côté. La tête aussi est alignée avec la colonne. Si vous voulez, essayez en même temps que je donne ces explications. Vous pouvez fermer les yeux, comme ça vous sentez plus votre corps que ce que vous me regardez. Ou... Parce que ce n'est pas ma posture qui va être le modèle pour vous, c'est votre propre bien-être, votre propre confort. Et c'est vous qui sentez si vous êtes droit ou pas. Donc la tête alignée avec la colonne vertébrale, on peut imaginer un fil qui part du sommet du crâne. Le menton est tout petit peu rentré. Et les épaules sont relâchées, donc on peut aussi légèrement bouger nos épaules et les ouvrir le thorax, la cage thoracique pour que les épaules soient relâchées et pour que la respiration soit bien ample. Avec les paumes vers le haut cette fois-ci. Et vous pouvez avoir les pouces qui se joignent sans appuyer, mais juste ça se touche très légèrement. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos mains. Mais l'important, c'est aussi d'être dans le calme. Donc, bien sûr que pendant la méditation assise, on n'a pas les mains qui bougent sans cesse. Mais plutôt pour s'en ressentir le confort et le calme, vous pouvez voir qu'est-ce qui est le plus agréable. Pendant la méditation assise, comme on reste en silence un moment et qu'on est assis et qu'il fait assez chaud dans la salle, on a peut-être tendance à être somnolent. Donc pour éviter de s'endormir et rester bien dans l'attention, dans la pleine conscience, soit on peut avoir le regard devant soi, ou bien posé au sol, mais pas en fixant obstinément un point, juste en posant le regard par terre. Ou bien si ça nous distrait de faire ça, on peut avoir les yeux fermés. En essayant de pas s'endormir. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant la méditation assise? On peut faire des milliards de choses. On a l'air de rien faire, mais en fait, on peut vraiment faire beaucoup de choses puisque c'est un moment où on porte notre attention sur plusieurs objets. Et pendant notre retraite ce week-end, on va surtout porter notre attention à deux objets très importants dont on n'a pas l'habitude peut-être de... On n'a pas l'habitude d'être en observation avec ces choses-là. Et la première chose, ça va être notre respiration. Pendant la méditation assise, on garde autant que possible le contact avec chaque inspiration et chaque expiration. Donc maintenant même, quand je le dis, quand je prononce ce mot inspiration, expiration, vous pouvez l'appliquer tout de suite. Sentir que la respiration est présente en vous et qu'elle se manifeste de plein de façons, c'est-à-dire on peut sentir peut-être l'air qui rentre par nos narines ou par notre bouche, qui descend dans la trachée, qui remplit les poumons. On peut sentir notre abdomen qui est en mouvement, qui se soulève, qui s'abaisse. On peut sentir la respiration comme tout cet ensemble des différentes parties, des différents organes du corps, et que c'est tout le corps qui respire. Mais peut-être ça peut aider d'être surtout focalisé sur l'abdomen et son mouvement dans la respiration naturelle. C'est important dans la méditation assise, telle que nous la pratiquons ici, que ce soit notre respiration naturelle. Donc à la différence peut-être quand on fait du yoga, on produit une respiration particulière qui même a tendance à faire un certain son. Et c'est pas ça qu'on va faire maintenant. On laisse la respiration se dérouler de la façon la plus spontanée, la plus normale possible. Et on est présente avec elle. On peut la sentir, on peut voir comment elle évolue, elle change. Et ce qui va se passer aussi souvent, c'est que notre mental, il va décrocher. Donc, j'espère que ça va se passer, puisque sinon, ça ne serait pas normal. Le mental, il est entraîné, il est habitué à aller dans plein de directions et à aller très vite. Dans un autre endroit et dans un autre temps. Donc notre entraînement, ça va être simplement de voir que c'est ça qui se passe et de très gentiment, comme si on avait un ballon de baudruche qui part vers le plafond, on reprend la ficelle du ballon et on le ramène vers soi. On reprend la ficelle de notre attention qui est partie à 1000 km ou à 3 semaines en avant ou 3 semaines en arrière, et on ramène notre attention sur le contact de notre respiration. Et pour nous aider au début, on va avoir des méditations qui vont être guidées. Donc celle qu'on va faire maintenant, elle va être un petit peu guidée, c'est-à-dire qu'il y a des petits exercices qui permettent au mental de se focaliser sur l'inspiration et l'expiration. Il va aussi y avoir des sons de la cloche pendant la méditation qui nous permettent de la même façon d'être juste là, d'être vraiment présent. Le son de la cloche, il appelle notre attention. Il attire notre attention vers ce qui se passe là tout de suite. Donc quand on écoute la cloche, on écoute tout le son du début jusqu'à la fin, comment ça vibre, comment ça résonne. Et on n'écoute pas juste avec les oreilles, on peut écouter même avec le reste du corps. On peut sentir que ce son qui résonne et qui vibre, il peut toucher l'ensemble du corps. Comme c'est un son harmonieux, régulier, il aide aussi le corps à être dans un état d'apaisement. Donc à chaque fois que ça arrive, que notre mental a décroché, a décollé, on va le ramener encore une fois. Quand on s'en rend compte, on le ramène. Et ça arrive encore une fois, et on le ramène. Et ça arrive encore une fois, et on le ramène. Et en fait, on n'a pas besoin de s'énerver par rapport à ça, par rapport au fait que ça, sans cesse, notre mental, il repart. C'est vraiment son habitude naturelle. On l'accueille dans ça et on l'accompagne pour revenir au présent, pour revenir au corps. Et c'est ça le deuxième objet de la méditation assise, de notre attention, c'est le corps, les sensations dans le corps. Donc c'est un moment où on prend soin de soi, on est doux avec soi, on est à l'écoute de tout ce que peut nous dire notre corps. Il y a plein de messages dans le corps, dans toutes les différentes parties. Donc pour trouver cette paix dont on parle et dont on a besoin, c'est très important d'être en connaissance avec son corps et d'écouter notre respiration, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, écouter notre cœur qui bat, comment il se sent. Et puis dans la position assise, écouter toutes les parties du corps. Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce que je peux relâcher? Ou est-ce que je peux juste écouter la tension qui est là? Maintenant, je vais simplement dire un petit mot par rapport à la structure des exercices de la méditation. Ça va simplement consister en deux phrases qui donnent des indications pendant qu'on inspire et qu'on expire. Et après ces deux phrases, il y a deux petites expressions qu'on est censé mémoriser, en fait, pour continuer notre pratique indépendamment des paroles pendant quelques minutes. Donc, je vous donne un exemple. Le premier exercice de base que vous pouvez faire même quand ce n'est pas le moment de la méditation assise sur le coussin, tous ensemble, c'est au moment où j'inspire, je suis vraiment conscient de cette inspiration-là. Et au moment où j'expire, je suis juste conscient de cette expiration-là. Ça, c'est les deux phrases. Et puis les deux petits mots-clés, c'est simplement conscient d'inspirer et conscient d'expirer. Et ensuite, on a un temps pour juste faire ça. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on va faire. Et vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez pendant la retraite. Maintenant, on va commencer par écouter les sons de la cloche. Au moment où j'inspire, je suis pleinement consciente de cette inspiration. Au moment où j'expire, je suis pleinement conscient de cette expiration. Conscience d'inspirer, conscience d'expirer. Pendant que j'inspire, je suis tout le parcours de cette inspiration, de son début à son milieu, à sa fin. Pendant que j'expire, je suis tout le parcours de cette expiration, de son début à son milieu, à sa fin. Suivre toute l'inspiration, suivre toute l'expiration. Pendant que j'inspire, je prends conscience de la présence de mon corps tout entier. En expirant, je calme tout mon corps. Conscience du corps, calmez le corps. J'inspire et je laisse naître la joie d'avoir un corps encore vivant. J'expire et je souris à mon corps tout entier. La joie d'être en vie, sourire. En inspirant, mon corps et mon esprit sont établis ici même. En expirant, je suis vraiment chez moi, dans ce moment présent. Corps et esprit, bien établis. Je suis chez moi. En inspirant, je profite du simple fait d'inspirer. En expirant, je profite du simple fait d'expirer. Profitez d'inspirer. Profitez d'expirer. On peut prendre un petit temps pour décroiser les jambes et faire des massages, laisser circuler le sentier dans nos jambes. Un petit sondage, est-ce que ça vous a paru difficile la méditation pour ceux qui sont débutants? Levez la main si c'était très difficile. Quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, on va s'entraîner un peu plus pendant 2 jours, donc à la fin ce sera facile.